Léonce Huitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. La délégation du facilitateur dans le conflit burundais attendu à Bujumbura ne devrait pas rencontrer que des représentants des jeunes, des femmes et des organisations de la société civile. Cheikh Haruna Nkunduwiga de la communauté musulmane appelle aussi, espère plutôt aussi qu'il devrait y en avoir ceux du gouvernement afin de les convaincre à accepter de négocier avec les opposants. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique fait un clin d'œil aux demandeurs de nouveaux permis de conduire et biométriques. Il n'y a pas jusqu'ici de prolongation pour l'échéance d'octroi de ce document. La date butoir reste le 3 mai, c'est demain, mercredi. Et puis le gouverneur d'Ngozi au nord du Burundi appelle les cultivateurs à ne pas transformer le café vert à domicile pour éviter de réduire sa qualité. Il faut également éviter d'aller vendre leur récolte de haricots au Rwanda voisin. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Les émissaires du facilitateur Benjamin Mkapa ne doivent pas rencontrer seulement les leaders des femmes, des ONG, des jeunes et des confessions religieuses. Ils doivent aussi rencontrer les représentants du gouvernement pour les convaincre d'accepter de négocier avec l'opposition. Cette attente est celle de Cheikh Jérôme Haruna Nkunduwiga au moment où ce mardi est attendu à Bujumbura l'arrivée d'une délégation de la facilitation. Ce leader religieux estime que la solution à la crise burundaise ne passera que par une sincère négociation ou un véritable dialogue entre les parties prenantes au conflit. On l'écoute. Nous imaginons que le facilitateur, quand il envoie des émissaires dans le pays, c'est pour préparer, pour débrayer le terrain, pour que les négociations ou le dialogue tel que les uns les autres l'appellent, qui devrait être encore repris ou reprise le discours, c'est pour débrayer, pour que probablement les gens puissent être suffisamment préparés et ne pas y aller pour encore une fois se mettre les bâtons dans les roues. Donc nous imaginons que c'est une voie qu'il a choisie, que le médiateur a choisi, pour qu'il sache exactement d'abord qui devrait participer et qu'est-ce qu'il devrait dire là. Et nous profitons de cette occasion justement pour demander aux uns aux autres qu'au moment où ils seront conviés à pour parler justement ou ces négociations ou ce dialogue, qu'ils puissent y aller avec l'esprit de construire le pays, de construire la nation, de mettre en avant l'intérêt supérieur de tout le peuple burundais et non chacun ses intérêts sectaires. Il est vrai, vous n'avez pas encore reçu l'invitation, mais si jamais, si vous êtes invité, qu'est-ce que vous allez adresser aux émissaires du facilitateur? Bon, à ces émissaires du facilitateur, si nous étions invités, même si nous ne sommes pas invités, nous imaginons que cet appel pourra probablement leur parvenir, c'est de mettre en avant deux choses. C'est d'abord de pouvoir écouter les gens, mais aussi les convaincre de pouvoir répondre justement à ce rendez-vous, mais aussi surtout de leur demander de mettre en avant la vérité, la sincérité, le franc-parler. Nous voudrions vraiment que prennent part à ce rendez-vous les parties qui sont dites en conflit. Nous avons deux parties. Il y a d'une part le gouvernement et ceux-là justement qui semblent combattre le gouvernement tel qu'on le dit. Sinon, si on appelle des gens d'une même obédience, ce ne serait pas du tout des négociations comme telles parce que nous avons justement besoin que ces deux parties puissent se rencontrer. Mais à côté de ça, justement, il faut qu'il y ait des gens neutres comme les religieux et la société civile. Mais dans un premier temps, nous voudrions vraiment que le gouvernement puisse accepter de rencontrer ces gens qui sont supposés le combattre pour qu'on puisse trouver justement un terrain d'entente et que les dans l'ensemble et le pays en général puisse recouvrir la paix et la tranquillité et que les gens s'attirent au développement finalement. En page sécurité, trois personnes ont été blessées par grenade et la nuit dernière sur la colline Mugoma de la zone Emuyewe, c'est dans la commune Musigati en province de Bubanza. Une autre grenade a été lancée dans un ménage de la colline et commune Erugazi dans la même province du nord-ouest du pays, mais sans faire de dégâts, heureusement, comme l'indiquent des sources administratives. Spescaritas Kavanyan. La première grenade a été lancée autour de 20h dans un ménage de la colline Mokoma en zone Mouyebe de la commune Musigati au cours de cette nuit de lundi à mardi. Des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés ont lancé cette grenade dans la chambre à coucher de cette famille à travers la fenêtre, mais Dieu merci, les habitants de la maison étaient encore au salon en train de manger. Et c'est le ménage de Nibitanga Irénée qui a été attaqué. Après un instant, les forces de l'ordre et les voisins sont intervenus pour voir ce qui s'est passé. Et en cours de route, une deuxième grenade a été lancée dans la foule, blessant 3 personnes qui sont en train d'être soignées pour le moment, selon l'administrateur de la commune Moussigati. Une fouille de perquisition a été organisée ce matin et un certain Kanjiri a été arrêté pour enquête. On venait de trouver chez lui des tenues militaires, selon l'administrateur de la commune Moussigati. Par ailleurs, le ménage d'un certain Bossoussa Jean Bosco de la colline Tevero de la commune Rugazi a été également attaqué au cours de cette nuit à la grenade, mais aucun dégât n'a été enregistré. Le chef de famille et le chef de colline qui avaient passé la soirée ensemble venaient de quitter cet endroit où la grenade est tombée. Des enquêtes sont en cours selon les sources policières. C'est le cas de Kabanyana Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le gouverneur de la province de Ngozi au nord du Burundi appelle les agriculteurs à ne pas transformer le café vert à domicile en vue de ne pas réduire sa qualité. Et en ce moment où la récolte du haricot approche, Albert Ndouimana met aussi en garde toutes les personnes qui acheminera sa récolte au Rwanda voisin, comme cela a été le cas pour le café ces derniers jours. Le gouverneur de Ngozi l'a dit hier lundi lors des cérémonies marquant la Journée internationale du travail et des travailleurs. Apollinaire Mouzagara pour les détails. Dans son discours, le gouverneur de la province Ngozi a prodigué bon nombre de conseils aux agriculteurs en vue de ne pas gaspiller et vendre la récolte dans les pays voisins. Albert Ndouimana a demandé aux caféiculteurs de ne pas transformer le café vert à la maison, mais plutôt de l'acheminer à la station de lavage. Cela leur permettra d'abord de gagner plus d'argent et de procurer au pays le café de qualité, a-t-il. Le gouverneur a une fois de plus mis en garde ceux qui tenteraient d'acheminer le café burundais au Rwanda, pas seulement le café. En ce moment où la récolte du haricot s'annonce une bonne récolte par rapport à l'an passé, celui qui sera attrapé en train d'acheminer comme le café cette denrée au Rwanda sera sévèrement puni, poursuit cette autorité provinciale. Le gouverneur Albert Ndouimana a tenu ses propos lundi lors des cérémonies de la Journée internationale du travail, cérémonies qui ont vu la participation d'une foule immense particulièrement regroupés au sein des associations d'autodéveloppement. Donc aussi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. L'association burundaise des consommateurs, ABUCO, demande la mise en application de la loi régissant la détaxation de certains produits alimentaires récemment approuvée et adoptée par le Parlement. Noël Nkurunziza, président de la dite association, indique que cette mesure est salutaire au moment où elle vient répondre au manque criant des denrées alimentaires dans le pays. Noël Nkurunziza demande cependant aux concernés de tout faire pour mettre en application cette mesure dans les plus brefs délais. Suivez-les. Au niveau de l'Association burundaise des consommateurs, c'est d'abord une mesure qui nous avait tellement en santé, une mesure qui a été prise, contrairement au passé, qui a été prise dans les délais, afin d'éviter justement la souffrance des consommateurs qui ne trouvent pas les denrées de première nécessité au marché et au prix abordable. Mais nous avions encore une fois rappelé la mise en application effective de ces mesures lors de la célébration de la Journée mondiale du consommateur le 15 mars. Et voilà aujourd'hui, pour une mesure qui a été prise, je dirais, 3 mois. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas effective. Et là, nous laissons toujours les yeux braqués vers les décideurs, en fait qu'effectivement la mesure soit réellement mise en application. Nous savons bien que l'Assemblée nationale a adopté cette mesure de détaxer ces denrées de première nécessité. Mais jusqu'à aujourd'hui, ni les consommateurs, ni les personnes économiques qui étaient supposées importer ces produits, on n'a aucune information, on n'a aucune réalité sur le marché. C'est une mesure qui, comme elle traîne, risque de noyer ses résultats et ses effets dans la période de récolte qui arrive. Et cette période de récolte, finalement, pourra noyer les effets, si bien qu'il faut, il sera difficile d'évaluer l'efficacité apportée par cette mesure, d'autant plus qu'elle sera mérandée par ces récoltes. Et ce qui se posera, finalement, à la suite, il fallait réclamer encore une fois ou demander encore une fois la reprise de la mesure pour la période à venir. Donc, nous voudrions absolument que les autorités concernées puissent mettre tout en œuvre pour que la mesure soit effective, afin que le consommateur puisse profiter pleinement de cette bonne mesure. Le porte-parole adjoint du président de la République, Alain Diomède Nzeyimana, tranquillise que le chef de l'État a promulgué en date du 27 avril cette loi portant détaxation des denrées alimentaires importées en République du Burundi. et que cette loi est déjà renvoyée au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme qui doit la mettre en application. La dite loi concerne la période de 3 mois allant du 27 avril au 27 juillet de l'année en cours. Le financement du budget général de l'État par les banques est l'un des facteurs qui font que la part de ces banques dans le développement socio-économique du pays ne soit pas visible. Ces propos sont de Faustin Dikoumana, président de l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. C'est après que le président de la République, Pierre Nkurunziza, ait dénoncé le taux d'intérêt élevé que ces banques exigent à leurs clients pour leur octroyer des crédits, ce qui, selon lui, handicape le développement du pays. Je vous propose d'écouter Faustin Dikoumana, président de l'ONG Parsem. Nous avons un immense besoin de fonds d'investissement, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public, quitte à ce que l'épargne intérieure est faible. Il y a aussi une tendance qu'on a observée très récemment où, suite au déficit chronique du budget de l'État, le déficit budgétaire, il y avait tendance à ce que les banques financent surtout le budget de l'État. Ce qu'on peut appeler les effets d'eviction. Au lieu de tendre à financer le secteur privé, plutôt les banques aussi avaient tendance à financer l'État. Aussi, aujourd'hui, on n'a pas assez de banques pour stimuler la concurrence au sein du secteur bancaire et financier. Aussi, le contexte actuel d'inflation, de crise de devises, de risques, cela alimente ce qu'on appelle les risques, le risque bancaire, quitte à ce que les banques ne s'engagent pas vraiment visiblement à financer les secteurs comme de développement, comme l'agriculture, l'éducation ou quoi. Ils ont tendance à financer les activités spéculatives de très court terme, pas même l'épargne et de très court terme. La grande partie du secteur bancaire est concernée par les banques commerciales. C'est le gouvernement qui doit orienter le secteur bancaire à travers l'autorité de régulation de ces services bancaires de la Banque centrale, parce que la Banque centrale aussi a la latitude d'injecter des liquidités au sein des banques pour les permettre de diminuer le taux pour financer l'économie. La Banque centrale aussi a tendance à injecter de l'argent en finançant le secteur public. Donc maintenant, le contexte aujourd'hui fait que le secteur aussi public assèche les capitaux du secteur bancaire, assèche les liquidités qui étaient destinées à financer le secteur privé. Faustin Dikoumana trouve également qu'il faut une vision du secteur bancaire par le gouvernement pour que l'impact des banques soit visible dans la société. C'est question de suivi et de vision. D'abord, il faut tracer la vision du secteur bancaire, la vision de ce que le gouvernement veut que le secteur bancaire soit au Burundi. Et puis, on parle de la réalité actuelle avec le contexte du moment, inflation, retrait des devises, chute du pouvoir d'achat de la population, tout cela étaient les activités qui permettaient aux banques de se livrer. Je crois même que le secteur import-export était des secteurs qui alimentaient beaucoup de fonds pour les banques commerciales. Quel est le constat du gouvernement par rapport à ces difficultés? Comment est-ce que les banques se sont comportées? Comment est-ce que les banques ont résisté dans son contexte? C'est à partir de ce problème qu'on peut déclencher un processus de solution. À partir de ce que le gouvernement a prévu. J'aimerais aussi que le président plutôt allait dire, dans notre politique, on avait voulu que la banque commerciale soit, le secteur bancaire soit comme ça. Mais nos mesures n'ont pas pu être mises en application parce que ceci et cela. Parce que le discours qui a été fait par le président, c'est un discours d'un citoyen qui peut constater, mais il faut aussi un discours de montrer le gouvernement, l'orientation du gouvernement par rapport au développement de ce secteur. Les demandeurs de nouveaux permis de conduire et biométriques sont encore nombreux devant les bureaux de la police et de sécurité routière dans la ville de Bujumbura. Ils disent passer beaucoup de temps sur les files d'attente et demandent que l'échéance d'acquisition de ces permis, qui est jusqu'ici prévue demain mercredi, le 3 mai, soit repoussée pour permettre à tout le monde d'être servi sans bousculade. Alida Naikeza. Les files d'attente commencent à l'entrée de la PCR et passent au-delà de l'immeuble UCAR. Ceux se trouvant sur ces files, les uns se couvrent avec des parapluies, les autres utilisent les enveloppes sacs pour se protéger contre le soleil. Ceux qui sont fatigués quittent les files pour s'asseoir à côté, mais cela provoque des disputes si l'un d'eux se trompe de place. Il y a ceux qui achètent des fruits ou des jus pour s'étancher la soif. Une des personnes se trouvant sur ces files dit y avoir passé beaucoup de temps. J'ai discuté avec ceux qui sont en train de avant moi. Il y en a qui sont déjà passés, qui étaient là depuis très tôt le matin. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils étaient ici à 4h, même un peu avant. La plupart ont eu un rendez-vous pour revenir au mois de juin. Je pense que si aujourd'hui, si jamais je m'en faisais inscrire, on me donnerait peut-être un rendez-vous vers fin juin ou début juillet. Ces personnes indiquent que le travail connaît des perturbations parce que cela faisait plus de 2 heures qu'elles étaient alignées. J'ai un travail, ça fait quelques heures que j'attends ici. Le travail a été perturbé, j'ai demandé une permission afin d'en finir car le délai de l'octroi de ces permis, c'est demain. Je suis enseignant d'université. Est-ce qu'il n'y a pas eu de perturbations dans votre travail quotidien? Oui, il ne peut qu'y en avoir. C'est le seul choix qu'on a que de se conformer à la nouvelle réglementation qui est en soi une bonne chose mais qui devrait peut-être être organisée sur une longue durée. Il demande qu'il y ait des réformes dans son processus d'acquisition du permis biométrique. D'une part, il s'agirait d'augmenter les unités qui font l'inscription pour qu'on ait au moins 4 chaînes. Ça pourrait avancer plus rapidement. Et d'autre part, il faudrait peut-être qu'on accorde un délai supplémentaire pour qu'on puisse s'acquitter de ce nouveau engagement. Nous demandons une prolongation d'octroi de ces permis car il y a bon nombre de gens qui attendent avec des bousculades et des disputes. La date butoir est fixée ce mercredi 3 mai. Et contacté à ce sujet, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngurikiye, indique qu'il n'y a pas de prolongation, que ceux qui le pensaient ainsi travaillent sur des rumeurs. 2 employés de la société Logopharm, située dans la province de Cibitoke, ont été arrêtés et mis en prison le matin de ce mardi. Shadrach Haonimana, le directeur général de la société, dit ne pas comprendre cette arrestation et la présence des policiers pour une 3e fois en une semaine. Il explique que le procès opposant cette société et la compagnie de gérance du coteau est toujours pendant devant la Cour spéciale des terres et autres biens. Suivez. Depuis ce matin, on a vu des policiers venir à nous, en gros, et puis ils nous ont expliqué qu'on n'avait plus le droit d'aller dans les champs, qu'il faut se cantonner seulement au niveau des bureaux et des usines. Mais comme vous savez, la société Rogopharm a une usine de transformation des produits qui viennent des champs, donc on ne peut pas fonctionner sans matière première. Alors, dès ce matin, il y a déjà 2 agents de la société qui ont été emprisonnés. On nous a expliqué qu'ils n'ont pas respecté l'ordre donné par la police de ne pas aller dans les champs. Mais permettez-moi de vous rappeler que ça fait la 3e fois depuis la semaine passé que la police vienne en nombre pour nous empêcher d'aller au champ. On a un procès entre la société Rogopharm et la société étatique Cogerco et l'affaire est pendante devant la justice. On a, nous, une lettre de Cour spéciale Terre et autres biens qui nous autorise de continuer à fonctionner comme la loi nous l'autorise jusqu'à ce que la question soit vidée. Je tiens à rappeler que moi-même, j'ai appelé le commissaire provincial. Il m'a expliqué que la police est là jusqu'à ce que le procès soit vidé. Vous entendez bien que là, c'est une violation grave des droits des parties au procès. De quand date l'autorisation de la CNTB pour que vous puissiez continuer à vaquer à vos activités? Rogopharm utilise des matières premières qui viennent des champs, donc ce sont des produits périssables. On a demandé une dérogation spéciale pour que nous continuions à travailler jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Alors, la Cour nous a donné permission dès le mois de décembre 2016 jusqu'à aujourd'hui. On continue à fonctionner et le procès aussi continue de bon train devant la justice. Donc, on ne comprend pas comment ça fait déjà 6 mois qu'on fonctionne sur cette autorisation de la Cour. On ne peut pas empêcher une partie au procès de continuer à fonctionner parce qu'il y aurait un manque à gagner tellement énorme et ce manque à gagner serait payé par l'État. Donc, vous comprendrez que ce ne serait pas normal. Des informations en provenance de la société Logopharm indiquent que les 2 employés qui avaient été arrêtés viennent d'être relâchés. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitewouti pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.